Bon, j'ai lancé l'enregistrement là. Du coup, si tu veux bien, on va essayer une petite heure de discussion autour de la création de jeu de rôle. Oui. Salut tout le monde. Je retrouve Gérard pour une deuxième émission autour du jeu de rôle, hein. Peut-être qu'on va se représenter à nouveau, hein, pour ceux qui prendraient cette émission en cours, quoi. Est-ce que tu veux un petit peu te présenter, Gérard? Et salut tout le monde, c'est Virangan depuis le Cameroun, créateur du festival Pouspion à Yaoundé, l'un des rares festivals de jeux de société en Afrique, au sud du Sahara. Je suis également enseignant d'art et artiste. Bon, de plus en plus, je m'intéresse à la question du jeu de rôle, notamment dans la jouabilité et puis la création, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu dis de moi? Bien, donc je vais me présenter aussi également de mon côté. Donc moi je m'appelle Thomas Munier, moi je suis français et je suis auteur de jeux de rôle. Et donc là ça fait maintenant quelques mois qu'on échange avec Gérard, hein, pour faire du jeu de rôle. On a toujours essayé jusqu'à présent de jouer dans un univers camerounais, quoi. Et puis bah au fur et à mesure commence effectivement à se poser la question de eh bien de pourquoi pas de faire un jeu de rôle complet dans voilà dans autour du Cameroun. Donc cette émission va surtout parler de ça. Après ça peut être suivi, je dirais, comme une émission autour de la création de jeux de rôle en général, hein. Il y a peut-être des choses à apprendre, même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par le Cameroun. Mais bon, nous, on va quand même se focaliser sur cette idée-là. Je dirais pour commencer qu'il y a bon c'est assez classique, hein, mais il y a deux choses principales à étudier quand on veut créer un jeu de rôle complet. La première, c'est l'univers, donc l'univers de jeu où vont se passer les aventures. Et la deuxième, c'est les règles, hein, donc est-ce qu'on utilise des dés? Si oui, quel dé on utilise? Est-ce qu'il y a des feuilles de personnages? Et ainsi de suite, quoi. Quelle question tu souhaiterais qu'on aborde en premier de ces deux questions-là, de l'univers et des règles? La question des univers, des règles, bon, c'est clair que là, si on veut aborder la question camerounaise, entre guillemets, africaine, les univers, je sais de comprendre, moi, je pense beaucoup, très souvent, à des univers, comme on a souvent eu à travailler, toi et moi, on a souvent eu à explorer un peu ces univers africains, mais futuristes. Ça, ce sont des univers qui m'intéressent. Donc concrètement, en fait, quand Vers on parle... qui s'adapte le plus. Ouais. Donc quand on parle d'univers, en fait, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être, en fait, on peut très bien placer ça, en fait, dans le Cameroun réel, soit le Cameroun contemporain, ou soit un Cameroun historique. Ou alors, on peut faire, et c'est plutôt l'approche qu'on a eue tous les deux jusqu'à présent, hein, sans que ce soit obligé de continuer sur cette lancée. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plutôt un Cameroun imaginaire. C'est-à-dire que c'était le Cameroun, mais dans un futur où on va dire il y a quand même énormément de choses qui avaient changé, quoi. Donc, on peut pas dire que c'était le même pays, quoi. Il y avait beaucoup d'imaginaire. Et puis du coup, des choses, par exemple, telles que ce qu'il y a dans les contes africains étaient réelles dans l'univers, tout ça. On avait mis des éléments futuristes aussi, avec de l'afrofuturisme notamment. On avait mis des créatures un peu étranges. Et puis surtout, on avait... en fait, pour ceux qui me connaissent, moi je fais surtout des jeux de rôle dans la forêt, donc du coup, j'avais mis beaucoup, beaucoup de forêt, quoi. Ce qui fait que c'est quand même pas exactement le Cameroun contemporain. Donc voilà, c'était juste pour dire déjà qu'il y avait sans doute un choix à faire. Enfin, Si tu penses qu'il faut faire un choix, il y a sans doute un choix à faire entre est-ce qu'on traite du Cameroun réel ou est-ce qu'on part sur un Cameroun un peu plus imaginaire, quoi, soit parce que c'est le futur, soit parce qu'on inclut beaucoup d'éléments magiques ou d'éléments de conte. Je sais pas si comme ça, toi, tu as une préférence pour l'une ou l'autre approche Et donc, actuellement, si je quoi. comprends bien, c'est quelque chose qui se voit. Bon, oui, j'ai des préférences pour un Cameroun futuriste. Un Cameroun futuriste, mais qui intègre à la fois la question des traditions et aussi que. Futur imaginaire, une sorte de Cameroun imaginaire où on intègre encore quelques traditions de la culture Afrique. La question des contes, essayer de créer des univers de nos contes traditionnels, mais on intègre un peu ces univers-là dans un futur autre, un afro-futur, on peut se permettre Un de afro-futur. une sorte d'afro-futurisme, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, l'avantage, pour résumer, hein, c'est que, évidemment, si tu te places dans un Cameroun futuriste, bah, tu as beaucoup plus de liberté. Mais néanmoins, tu peux aussi vraiment intégrer tout ce qui t'intéresse dans la culture camerounaise. Alors, je tiens à mentionner qu'il y a une autre approche, hein, qui peut exister, hein. Il y a plusieurs jeux de rôle qui font ça. C'est créer un pays imaginaire, mais qui fasse penser au Cameroun. Mais ça s'appelle pas le Cameroun, ça peut s'appeler autrement, quoi. Par exemple, comment? Le pays de l'eau et du feu. Voilà, on pourrait l'appeler comme ça, par exemple. Et du coup, les noms des villes sont des noms imaginaires. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait quand même prendre des noms à consonance camerounaise, c'est-à-dire que. Par exemple, si dans la région un petit peu savane de ce pays imaginaire, bah pour le nom des villes, il faudrait comprendre des noms, tu vois, inspirés, j'imagine, de la culture Peul, quoi. Et puis, si dans la partie vraiment jungle, j'imagine que ça va être des noms de villes ou de personnes inspirées de, corrige-moi si je me trompe, mais de la Oui, culture par bantoue, exemple. quoi. Donc là aussi, je tiens à te mentionner cette approche, hein, parce que c'est intéressant de savoir qu'elle existe. Disons que ça permet encore plus de liberté. On peut le faire de Effectivement. façon très, on peut le faire de façon très rigoureuse quand même, tu vois, en essayant de reproduire beaucoup de traditions du pays. Mais disons que on peut on, Bah, pas, on, ça, ça, on, au moins, on risque pas quand même d'être critiqué parce qu'on traiterait moins bien une région, tu vois, ou un type de culture, quoi. Parce qu'on rappelle que voilà, ça reste quelque chose un peu d'imaginaire. Par contre, en fait, mine de rien, c'est le défaut de cette approche, c'est que ça nécessite un gros travail de création de noms, tu vois. Parce qu'il faut créer des nouveaux noms pour le pays, des nouveaux noms pour les régions. Souvent, ça veut dire qu'il faut refaire une nouvelle carte. Ça pourrait être, par exemple, tu vois, prendre la carte du Cameroun et puis la retourner comme dans un miroir. Et puis du coup, un petit peu déformer les contours, quoi, mais qu'on aurait quand même toujours cette. Je pense que j'imagine qu'il faudrait conserver cette topographie intéressante qui est que, bien, au nord, on a des savanes, au sud, c'est d'un côté le littoral avec les plages, de l'autre, ça va être plutôt la jungle. Et puis au milieu, il y a différents types de forêts, différents types de milieux. Il y a des montagnes, des volcans. Enfin, en fait, sur ce pays-là, on remettrait, tu vois, toute la topographie qui peut être intéressante dans ton pays, quoi. L'autre question qui est importante, c'est pas ce que tu en penses, mais c'est quand on dit le Cameroun, c'est C'est ça, faut-il faire un effectivement. jeu sur. Dans Faut-il un faire cas comme un. le nôtre, où on se retrouve avec quatre, parce que Nous, on a quatre grands déserts géographiques. Les déserts, oui, aussi. Et du coup, la question, c'est faut-il faire un jeu sur le Cameroun dans sa totalité, quoi? Donc, du coup, quand même, avec de grandes différences de topo, de milieux naturels, beaucoup de cultures différentes et tout, une histoire très riche. Donc, c'est à la fois c'est intéressant et en même temps, bah, ça représente du travail, hein. Ou faut-il faire entre guillemets, un jeu de rôle qui soit centré, par exemple, sur une seule culture, un seul groupe de langue ou de religion. Ça, c'est voilà, c'est aussi le genre de question qui peut être intéressante à se poser, si tu vois ce que je veux dire. Surtout que si on choisit de faire, si tu choisis de faire un jeu qui en fait embrasse tout le Cameroun, eh bien tu vas devoir te poser la question des voyages en fait. C'est-à-dire en fait quand les personnages démarrent à un point donné, tu vois, si on suppose que les personnages par exemple sont à pied, ben en fait s'ils démarrent dans la jungle, ça va être peut-être très compliqué pour eux d'aller dans le désert, dans la savane, dans la montagne, parce que c'est peut-être très loin, quoi. Je rappelle pour les Français qui nous écoutent, hein, le Cameroun, c'est à peu près la moitié de la France en superficie, donc c'est quand même un grand pays, quoi. Donc du coup, ça implique que tu réfléchisses aux moyens de transport, ce que les personnages peuvent utiliser, est-ce qu'il y a des taxis brousse, des trains de brousse, Oui, il faut au moins de locomotion. c'est ça. Alors ça peut être des moyens de locomotion naturels. Ou ça peut être des moyens de locomotion surnurels, pourquoi pas avec des, je sais pas, avec des baobabs qui, tu sais, il y aurait des entrées magiques dedans, ça permettrait de passer un endroit, d'aller à un endroit très éloigné, quoi, parce qu'en se téléportant. Ou encore des moyens de transport futuristes, puisque par exemple, quand on avait fait la partie très afro-futuriste, on s'était rendu donc dans une navette. Dans une station spatiale en utilisant en fait un ascenseur orbital qu'on avait imaginé comme ça implanté au milieu du Cameroun. Donc voilà, ça c'est des choses à imaginer. Alors après tu peux tout mettre ou au contraire un petit peu limiter les moyens de transport. Ça c'est à toi d'en décider quoi. Du coup, à partir du moment où on a considéré qu'on avait des Voilà. moyens de transport, on va dire, qui permettaient quand même de faire de la distance, eh bien, il va y avoir une répercussion à la fois sur les scénarios. C'est-à-dire que si on fait une suite de scénarios, par exemple, tu peux faire une suite de scénarios, donc ça s'appelle une campagne, et ça peut être intéressant, du coup, de faire un scénario par région du pays, avec du coup un prétexte pour que les personnages voyagent. Et puis au niveau des règles, ça peut aussi être intéressant de mettre en place des règles de voyage. Qu'est-ce qui se passe quand on voyage? Est-ce qu'on peut être amené à rencontrer des animaux? Est-ce qu'il y a des dangers naturels comme des fleuves par exemple à traverser? Qui on peut rencontrer sur la route? Comment on paye son moyen de transport? Est-ce qu'il faut protéger le moyen de transport en montant la garde ou choses comme ça? Ça, c'est des questions qui se posent. Bah en fait, je crois que, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, cette notion d'univers est presque à réfléchir en premier quand on décide de faire un jeu de rôle complet, quoi. Parce qu'en fait, ça va vraiment, quand tu as décidé notamment de l'échelle de ton univers, puis de, entre guillemets, de comment c'est traité, est-ce que c'est historique, enfin, est-ce que c'est historique, pas historique, réaliste, pas réaliste, ça va avoir vraiment une implication sur les scénarios que tu vas proposer ainsi que sur les règles que tu vas proposer quoi. Oui. Est-ce que tu as des questions particulières sur la notion d'univers? Oui, là, la question. Peut-être des questions et aussi peut-être des remarques. Allô? Oui, ben très bien, je t'écoute. Du coup, Gérard, quelles étaient tes questions ou tes remarques au sujet Non. de la notion d'univers? Oui, donc je faisais allusion aux remarques. Concernant la question, concernant sur la question des idées. S'agissant des remarques, déjà la question des univers, oui, je crois que je comprends un peu la chose déjà. Je vois un peu, j'essaie déjà d'entrevoir. Alors, quand tu parles de quatre, j'entends par là le fait qu'il faut être en mesure de déformer certains quatre ou alors de l'adapter à quelque chose de bien précis afin que l'usager ne puisse pas tout de suite reconnaître la chose. Comprends-tu? Il faut essayer de réadapter l'actuelle carte à ce qu'on veut montrer, à ce qu'on veut redéfinir, à ce qu'on veut présenter. Parce que ça, c'est du point de vue de la carte. Et vraiment, dans l'univers proprement dit, il faut essayer de tenir compte de cette réalité-là qu'on veut transposer dans le jeu. Pour tenir compte de cette réalité afin que quand l'usager s'approprie le jeu, il puisse à un moment se rendre compte que tiens, on est dans cette Afrique-là, cette partie d'Afrique-là, peut-être le Cameroun, ou alors dans une culture qui est très prostituée, c'est un culture peut-être que je connais ou que je ne connais pas. Et puis, au fil du temps, il puisse se rendre compte que tiens, on parle là du Cameroun. Une sorte d'initiation, une petite initiation en fait. En fait, vient aussi du coup la question qui est importante, c'est ce jeu de rôle en fait à qui s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à un public camerounais ou est-ce qu'il s'adresse à un public francophone occidental quoi? Parce que du coup, on va pas forcément mettre les mêmes choses. C'est-à-dire que si tu t'adresses à un public camerounais, bah évidemment ce public-là il connaît bien le pays quoi. Mais par contre, il est peu habitué à la notion de jeu de rôle, quoi, voire même pas du tout habitué. Ça veut dire que tu peux te permettre de pas trop expliquer les choses au sujet du pays, quoi. Ben, par exemple, si tu dis, bah voilà, cette personne, elle est du peuple Bamiléké, tu vas pas forcément expliquer ce que c'est les Bamiléké. Mais par contre, tu vas devoir consacrer un certain nombre de pages à expliquer c'est quoi le jeu de rôle, en quoi ça consiste, comment on joue et tout. Tandis qu'un public français, bon bah la plupart des gens, enfin bah, la plupart des Français qui utilisent des jeux de rôle, bah voilà, de fait ils savent déjà ce que c'est le jeu de rôle, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'explications. Encore que bon, je vais nuancer ce que je dis parce qu'en fait, même en France où le jeu de rôle est relativement bien implanté, bah on sait très bien que, enfin si on veut que des débutants puissent, il y a toujours des débutants, il y en a encore beaucoup, hein. Et du coup, on sait très bien que si on veut un livre de jeu accessible au plus grand nombre, c'est bien d'avoir quand même une ou deux pages qui expliquent qu'est-ce que c'est le jeu de rôle et comment on utilise un jeu, par exemple avec des questions importantes telles que qu'est-ce que c'est un MJ, qu'est-ce que c'est un scénario, pourquoi on lance les dés, ainsi de suite, quoi. Et inversement, du coup, si tu t'adresses à un public français, ben par contre, il faut. On va pas se mentir, la plupart des gens, ils auront tout à apprendre au sujet du Cameroun, donc il va falloir être très didactique. Du coup, il y a aussi la possibilité que tu t'adresses aux deux publics, et donc du coup, si tu t'adresses aux deux publics, ben, il va falloir que tu mettes beaucoup d'explications, bien sûr, tout, à la fois sur ce qu'est le jeu de rôle et aussi sur ce qu'est le Cameroun, quoi. Et ça peut être intéressant aussi parce que du coup, par exemple, mettons que ça pourrait intéresser des Africains francophones, tu vois, qui à la fois finalement ne connaîtraient pas bien le jeu de rôle et connaîtrait peut-être pas non plus trop les spécificités du Cameroun, tu vois. Partant de là, je sais pas si tu quel type de format toi te plairait plus en fait, enfin à quel type de public tu penses qu'il faudrait s'adresser? Le type de public auquel je pense, c'est un type de public que j'ai envie de dire généraliste. Un public généraliste. Bon, mais avec un âge, peut-être, je ne sais pas quels sont les. Mais c'est un public généraliste en fait. Et un public francophone généraliste, bon, il est clair que le jeu peut être traduit par la suite. Mais en gros, c'est un public généraliste. Ouais, d'accord. Bon, bah dans ces cas-là, pour résumer ce que j'ai dit, il va te falloir un chapitre qui explique le jeu de rôle pour ceux qui connaissent pas la notion de jeu de rôle, et il va te falloir un chapitre qui explique un peu le Cameroun ou en tout cas ce qu'il faut savoir au sujet du Cameroun si on veut pouvoir jouer à ce jeu, quoi. Et je pense notamment à quelque chose qui peut être très intéressant, une des richesses du Cameroun, notamment c'est sa richesse linguistique. Je sais plus, je crois qu'il y a plusieurs centaines, hein, de langues différentes. Oui, Donc 256. voilà, donc avoir un petit lexique, que ce soit des expressions d'argot, de camfranglais ou des expressions spécifiques à certaines comment dire à certains peuples, ça c'est sûr que ça peut être intéressant, quoi, avoir un petit lexique. Oui. Du coup, je vais rentrer. Alors, dans une autre, si tu permets, je vais un petit peu plus plonger dans, on va dire la grande structure d'un univers. Il y a une autrice qui s'appelait Isabelle Perrier, qui avait, en fait, qui proposait qu'on découpe un univers de jeu de rôle en quatre parties. La première, en fait, c'est le topos, c'est-à-dire à quoi ressemble cet univers, quels sont ses milieux naturels, quelles sont ses villes, voilà, qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans, quoi. Donc bon, là c'est un petit peu ce qu'on a traité là déjà. On a le mythos. Le mythos, en fait, c'est l'histoire, en fait, l'histoire de cet univers, quoi. Et donc, et ça, c'est aussi quelque chose qui est effectivement présent dans les jeux de rôle assez souvent, quoi. Surtout que là, si tu parles d'un Cameroun futuriste, eh ben, il va falloir expliquer en fait ce qui s'est passé entre aujourd'hui et puis le moment du jeu, quoi. Alors, ça peut être très laconique, hein. Nous, quand on jouait, on avait juste établi que c'était un Cameroun dans un futur lointain, et on va dire qu'il n'y avait plus tellement de technologie au niveau de la surface, parce que tout était recouvert de forêts, tout était devenu très sauvage, mais que par contre, il y avait beaucoup de technologie dans l'espace, puisqu'il y avait eu une diaspora camerounaise qui avait utilisé des cristaux, en fait, pour établir des stations spatiales en orbite autour de la Terre, puis qu'ils avaient des vaisseaux qui exploraient un petit peu comme ça le système solaire, quoi. Mais voilà, là, ça s'arrêtait là, hein, notre mythos, notre histoire. Mais en réalité, tu peux être plus précis que ça, sachant qu'après, il y a toujours un écueil qu'il vaut mieux éviter. C'est en fait, quand on raconte une longue histoire d'univers, des fois, le problème, c'est que cette histoire ne sert pas à grand-chose pour le jeu, tu vois. T'as des informations qui ne sont pas reprises dans les scénarios, qui n'apportent pas grand-chose, quoi. Bon, c'est à voir, quoi. Moi, je suis plutôt partisan de quand on crée une histoire d'univers, d'essayer de faire une histoire qui va avoir un impact ensuite dans les scénarios, quoi. Oui. C'est un peu délicat à faire, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Et si on n'a pas trop d'idées, ben, vaut mieux faire une histoire courte, quoi. Donc, en gros, on peut donner des informations dans l'univers qui n'ont rien à voir avec le scénario, mais qui font entre guillemets du remplissage, si je peux me permettre de dire ainsi. Ouais, c'est ça. Comme on peut également donner uniquement des informations qui vont rentrer plein dans le scénario et dont les joueurs auront besoin pour faire avancer la partie. En fait, le plus simple pour faire ça, je dirais, c'est de parler plutôt que d'une histoire avec des événements, tu vois, ponctuels dans le temps, parler en fait d'évolution, de dynamisme. Je vais prendre un exemple, parce que là, c'est pas très clair. Donc, quand on jouait, on avait établi, par exemple, qu'il y avait eu la découverte de cristaux dans le sous-sol camerounais, qui permettait en fait de rendre en fait le métal plus léger que l'air, quoi. Et du coup, il y avait eu une exploration spatiale très importante grâce à cette technologie du cristal, quoi, en gros. Eh bien, en fait, ça, on peut en faire quelque chose de dynamique en expliquant que, bah, en fait, si l'exploration spatiale et l'afrofuturisme veut se maintenir, eh bien, il faut continuer à exploiter le cristal. Et du coup, on peut mettre en place des histoires autour de... Il faut trouver de nouveaux gisements, peut-être dans des régions un petit peu sauvages, peut-être qu'il y a diverses équipes qui se battent pour le cristal, ou peut-être que, je sais pas quoi, le cristal menace de s'éteindre, ou encore qu'au contraire, on va trouver des cristaux de très grande puissance qui permettraient, par exemple, d'atteindre une nouvelle ère, avec, par exemple, une exploration de la galaxie, quoi. Donc tu vois, en fait, là, on est sur quelque chose d'évolutif, plutôt que de dire, ah ben, à un moment X, ils ont trouvé des cristaux et ça a changé la civilisation. Ça a changé l'histoire. Eh bien, en fait, on a plutôt quelque chose, on a l'apparition effectivement de quelque chose de nouveau qui est le cristal, mais dont les quantités et les effets évoluent au cours du temps, quoi, et notamment au cours des scénarios. Oui, là je perçois bien la chose. Pareil avec la forêt, on avait dit que la forêt, moi j'avais dit, on avait établi que la forêt avait tout envahi, mais ça, on peut en faire quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que cette forêt, elle peut-être, elle continue à s'étendre, et par exemple, quand on avait joué dans les stations spatiales, on s'était rendu compte que la forêt, en fait, elle essayait d'envahir aussi les stations spatiales, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose, du coup, de un peu plus dynamique, quoi. Et tu vois, là, ça peut avoir un impact dans le déroulement futur de la partie. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. L'autre aspect d'univers, bon, c'est un petit peu. Enfin, ça s'appelle l'éthos, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par l'univers. Alors, oui. si tu veux, en fait, c'est un peu la différence. Une des principales différences entre un univers imaginaire et puis le monde réel, c'est-à-dire que bon. C'est un peu compliqué d'établir ce que sont les valeurs du monde réel, quoi. Parce que bon, est-ce que les pierres, tu vois, ont des valeurs morales, des choses comme ça, on ne sait pas trop, quoi. Est-ce qu'il y a des valeurs morales qui sont valables pour toute l'humanité? Bon, il y aurait tout un débat à avoir, quoi. C'est difficile de trancher. Mais par contre, dans un univers, comme c'est écrit par quelqu'un, on peut décider qu'il y ait des grandes, qu'il y ait une morale dans l'univers, quoi. Ou au moins qu'il y ait certaines valeurs qui soient mises en avant et d'autres valeurs qui soient dénoncées, quoi. Donc, typiquement, moi, de ce qui s'est dégagé dans les parties qu'on a faites ensemble, c'est que notamment il y avait des valeurs telles que l'éloquence et la ruse qui étaient souvent très mises en avant, quoi. Et du coup, j'ai pas trop vu. Les valeurs, s'il y avait des valeurs négatives à laquelle on pouvait opposer ça, pour le moment j'ai un genre, mais peut-être que toi tu verrais un petit peu à quoi on pourrait opposer la ruse et l'éloquence dans cette espèce de combat de valeurs, quoi. Oui. Ça devient un problème purement culturel. Donc on doit regarder l'univers dans le sens culturel du Ouais, c'est contexte qu'on ça, veut ouais. aborder. Oui, on doit Par le exemple, regarder dans le sens. Oui, je te suis. j'ai un peu l'impression, par exemple, là, vraiment dans la façon dont tu orientais nos parties, la ruse, donc, s'inspirant, j'imagine, des contes camerounais, hein, j'avais l'impression que tu opposais un peu la ruse et l'éloquence à la force brute, quoi. Oui. C'était une façon de dire qu'au final, c'est quand même la ruse et l'éloquence étaient plus fortes, quoi. Et donc, du coup, il y avait, je pense que le combat, sans doute, dans un univers camerounais, le combat de valeur, il se déroulerait un petit peu entre ça, entre l'arbitrage, entre un petit peu la force et puis la parole, quoi, quelque part, quoi. Entre la force, la parole, la persuasion. Et puis, oui, c'est ça. Et donc le quatrième aspect d'un univers, c'est ce qu'on appelle le tropos. C'est-à-dire les tropes. Pour utiliser des termes un petit peu moins barbares, c'est les aventures en fait. Quels sont les types d'aventures que les personnages vivent dans cet univers? Parce qu'en vrai, tu vas pas forcément pouvoir t'intéresser à tout quoi, à tout type d'action quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas si on va pouvoir s'intéresser à des personnes, par exemple, qui fabriquent du pain. Ou à des personnes qui construisent des maisons, c'est peut-être pas le genre de choses dont on va parler, on va peut-être parler d'autres choses, d'autres types, on va peut-être parler de personnes qui, je sais pas, qui explorent la forêt, de personnes qui gèrent des problèmes ou qui rencontrent des créatures surnaturelles. Enfin, en fait, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire quel est le type d'aventure qui arrive au personnage, qu'est-ce qui nous intéresse comme aventure dans cet univers, quoi. Parce que pour prendre un exemple externe, l'univers de Star Wars, hein, je suppose que tu connais un petit peu. Oui. Dans l'univers de la guerre des étoiles, bon bah on peut imaginer qu'il y a certainement des gens, tu vois, qui fabriquent du pain ou qui construisent des maisons, quoi. Mais en vrai, on s'intéresse pas Oui. trop à leur activité, quoi. On s'intéresse plutôt à des gens qui vont dans des vaisseaux pour explorer l'espace ou à des combats de sabre laser, quoi. Donc, par conséquent, dans l'univers de la guerre des étoiles, il y a bien un type d'aventure précis, quoi. Et de fait, dans les parties qu'on a faites, on a bien vu aussi qu'on s'intéressait à un type d'aventure précis, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment réfléchir également. Sachant que, bien sûr, tu étais tout à fait légitime à vouloir mettre en place des choses qui soient pas forcément, tu sais, héroïques ou aventureuses, mais qui soit un peu plus du quotidien. Hein. Quand je dirais que j'utilise le terme aventure, mais un peu c'est plutôt quel type d'action des personnages auxquels on s'intéresse, quoi. Je sais pas ce que tu Et en penses. donc, Oui, vas-y, je t'écoute, Gérard. oui, et donc, si je comprends bien dans ton argumentaire, la question de l'univers, elle est vraiment fondamentale dans pour le déroulement et la suite de la partie, et même dans la rédaction du scénario, parce que Ouais, c'est ça, ça va être ta boussole. c'est l'univers qui va un peu donner aux joueurs cette envie d'explorer la chose. C'est l'univers qui va rendre la partie, qui va essayer de créer comme des petites énigmes dans la partie, des petits suspens et autres, ainsi de suite. C'est vraiment l'élément moteur, si je comprends bien. Ouais. Oui, avant d'aborder les autres questions relatives au jeu et à sa jouabilité. Du coup, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu maintenant des règles? Des règles, oui. Donc, bon, on en a déjà parlé hein, lors de notre dernière discussion au micro hein, des règles. On a vu qu'il y avait pas mal de façons différentes hein, de faire. De faire des règles de jeu de rôle. Alors, je vais pas forcément revenir en détail sur ce qu'on a déjà dit, mais du coup, ça veut quand même dire que quand on écrit un jeu de rôle complet, quelque part, c'est mieux de faire un choix, c'est-à-dire de dire à notre lectorat, eh bien, ce jeu de rôle, vous allez utiliser tel type de règles et pas forcément d'autres types de règles. Après, on peut être plus ouvert. Mettre des options, des variantes. Et disons qu'il faut quand même un petit peu montrer au lectorat où on va, quoi. Par exemple, est-ce qu'on va utiliser des dés ou pas de dés? Est-ce qu'il va y avoir une feuille de personnage? Est-ce qu'il y a des listes de, je sais pas, de matériel, des listes d'intrigues, d'aventures? Enfin voilà, c'est Il faut réfléchir au matériel de jeu qu'on donne pour résoudre les situations et aussi pour en créer, quoi. Alors, à ce sujet, et je le mettrai en bibliographie hein, de notre podcast, j'ai personnellement fait un article qui s'appelle. Enfin, j'ai fait plusieurs articles sur la création de jeux de rôle. Il y en a un notamment qui s'appelle Comment créer un jeu de rôle traditionnel. Donc, ça, c'est si tu veux faire un jeu de rôle, on va dire, très proche de ce qu'il y a de plus commun en jeu de rôle. C'est-à-dire, le plus commun en jeu de rôle, je l'ai peut-être déjà expliqué, mais je vais le redire quand même. C'est une feuille de personnage assez complète, avec notamment un personnage qui a des caractéristiques, tu vois, par exemple, ça peut être la ruse, la force, qui a des compétences, donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail, donc peut-être qu'il sait chasser, peut-être qu'il sait fabriquer des choses, peut-être qu'il sait réparer de la technologie, ainsi de suite et ainsi de suite, quoi. Donc on a sur quelque chose de pas mal détaillé. Souvent on va aussi carrément aussi détailler l'équipement, quoi. Donc par exemple tu veux avoir une ressource à dépenser pour pouvoir t'acheter de l'équipement avec des listes d'équipements et leurs prix ainsi que leurs effets, quoi. Donc tu vois, on est dans quelque chose d'assez technique, souvent d'assez complet. Ça a plusieurs avantages, hein. Alors ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ça a plusieurs avantages. Souvent pour les joueurs et les joueuses, savent mieux ce qu'ils peuvent faire en fait. Quand ils ont une liste de compétences, quand ils ont une liste d'équipements, bien s'ils n'ont pas d'idée sur ce qu'ils peuvent faire dans une situation donnée, ils n'ont qu'à regarder leur feuille de personnage, dire: Ah oui, mais en fait, j'ai tel savoir-faire. En fait, j'ai tel objet dans mon sac qui pourrait être utile dans cette situation. C'est plus facile que d'inventer à la volée une solution en. Donc ça c'est un avantage premier, quoi. Et puis l'autre avantage c'est qu'on va retrouver le plaisir ludique, tu vois. Comme tu as dans les jeux de société, donc de gérer des ressources, de lancer les dés. Ça c'est un plaisir bien sûr qui n'est pas à négliger. Donc moi j'ai fait donc tout un article voilà, qui s'appelle Comment créer un jeu de rôle traditionnel. J'essaie de donner quelques conseils. J'ai écrit, je mettrai peut-être un lien vers la série. Enfin, de toute façon, dans l'article, on va retrouver un lien vers d'autres articles qui peuvent être, pourquoi pas, pertinents, sait-on jamais, dans notre discussion, hein, notamment sur comment créer un jeu de rôle d'enquête, comment créer un jeu de rôle, on va dire, de la vieille école, comment créer un jeu de rôle sans MJ. Il y a aussi comment créer un jeu de rôle à base de questions. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une session comme ça d'un jeu qui s'appelait Oui, Voriante, la vente des qui jeux. était avec des questions, quoi. C'était notre Donc, avant-dernière session. ouais, c'est ça, ouais. Donc tu vois là, tu as une batterie d'outils, et donc il faut arbitrer ce que tu choisis, quoi. Ce que tu choisis comme outil et comment tu les mets en place. Si tu te projettes là comme ça, toi, quel type de règles te séduirait le mieux? Sans engagement, hein, tu pourras changer d'avis plus tard. Oui. Bon, pour moi, c'est l'utilisation des dés, oui, ça c'est clair. L'utilisation des armes rudimentaires, oui. Je pense parfois aux cartes, mais les cartes, je n'ai pas trop expérimenté les cartes, mais par contre, les dés, je crois que les dés, c'est accessible et facile à manipuler pour tout le monde. Par contre, les cartes, elles sont un peu compliquées. J'ai parlé de l'utilisation des armes. Quand je dis les armes, c'est pas des fusils, parce que dans cette Afrique futuriste-là, il faut bien qu'on utilise bien, on puisse peut-être utiliser un lance-pierre, mais qui puisse avoir certains pouvoirs, autres, ainsi de suite, tu vois un peu. C'est vraiment, oui, c'est des règles où je peux avoir la possibilité de mélanger des trucs assez surnaturels, modernes et traditionnels en même temps, dont des dés, des sabliers, pourquoi pas des dés, des sabliers. Les Oui, sabliers, c'est intéressant, ouais. des dés, des sabliers. Par exemple, si un sablier pour un concours d'éloquence, tu peux poser une énigme et puis tu mets un sablier. Et en fait, Si le joueur ou la joueuse n'a pas résolu l'énigme dans le temps imparti par le sablier, ben c'est perdu, quoi. Perdu, voilà. C'est vrai que des fois on va avoir l'idée d'utiliser un matériel comme ça, et c'est après qu'on va trouver, juste parce qu'on trouve intéressant l'exemple du sablier, et après bah, il faut réfléchir de ce qu'on en fait dans le jeu, quoi. Quel est le prétexte pour amener le sablier en jeu, quoi. Mais Le c'est ça. voilà, après, bon, ça tu connais forcément mieux que moi, mais. Il y a peut-être pourquoi pas des jeux traditionnels camerounais ou africains qui pourraient avoir leur emploi au sein de ce jeu de rôle, quoi. Oui, les dés, nous ici, le seul jeu qu'on connaît, bien que tout le monde connaît, c'est, je sais pas, c'est le jeu des petits chevaux qu'on appelle Ludo, et les dés s'utilisent. Et donc, quand tu présentes un dé à quelqu'un, dans notre contexte, il sait que c'est pour le Ludo, point. Et donc... Et puis nous, on sait que le dé, c'est dé 6 faces. Personne ne connaît de dé à 10 faces, de dé à 20 faces. C'est... Ouais, c'est ça. Donc, si tu veux faire un Voilà. jeu généraliste, tu vas être obligé d'utiliser essentiellement des dés à 6 faces dans tes règles, quoi. Tandis que c'est vrai que dans les jeux occidentaux, on se permet souvent des dés un peu fantaisistes à 20 faces, à 12 faces, parce que bon, bah, ils sont trouvables en boutique. Mais c'est sûr que je pense que moi, je te conseillerais d'utiliser des dés à 6 faces, sachant que quelque part, ça n'est pas. On peut faire des règles, enfin, en fait, clairement, enfin, on peut faire des règles très intéressantes avec des dés à 6 faces. C'est pas du tout limitatif en réalité, parce que tu peux utiliser plusieurs dés, tu vois, avec par exemple, plus ta compétence est grande, plus on peut utiliser deux dés, quoi. On a des choses qui sont intéressantes, qu'on pratique souvent, c'est la notion d'échec critique. Par exemple, si je fais un 1 à mon dé à 6 faces, et ben c'est un échec critique. Il y a la notion de dé explosif qui est rigolote, c'est-à-dire si tu fais un 6 à ton dé, et bien comment dire, et bien tu rejettes le dé. Tu rejettes Ah, le dé d'accord. et tu rajoutes les résultats, quoi. Donc tu peux faire finalement tu peux faire plus que 6 avec un dé. On a des choses toujours avec une mécanique de D6. Par exemple, il y a des choses qui s'appellent les augmentations, c'est-à-dire que tu décides tu cherches à tu peux très bien tu peux très bien demander une réussite plus belle que ce qui est proposé par le MJ, mais dans ces cas-là, le seuil de difficulté va être plus élevé, ou alors tu vas lancer moins de dés. Enfin, il y a des Bon, il y a plein plein de façons de faire, quoi, mais on peut faire des choses avec des dés qui soient juste avec de simples dés à 6 faces qui soient ludiquement riches, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Suffit par exemple Ah de s'inspirer un oui, peu de ce qu'on voit dans les jeux de société, quoi. Parce que oh. toi, tu commences à connaître pas mal de jeux de société, donc. Ah oui. En tout cas, ça, on va reparler quand on aura fini notre petite discussion. J'aimerais, si tu veux bien, je pense ça, parce que je pense le fait que toi tu es artiste, hein, je pense que ce serait intéressant qu'on enchaîne la discussion avec les illustrations, en fait, sur Voilà. comment illustrer un jeu de rôle. Comment illustrer? Bon, ça c'est clair que dans les illustrations, premièrement, moi je vois les personnages. Oui, il faut savoir illustrer, il faut être à mesure d'illustrer les personnages. C'est ça. Il faut être à mesure, oui, il faut Surtout être à si tu mesure d'illustrer les t'adresses à personnages. un public généraliste, donc il y aura une certaine partie de ton public qui ne connaîtra pas le Cameroun, qui Voilà. donc bah, aura besoin de repères visuels, quoi. Hein. Sachant que bon, quand j'ai commencé à m'intéresser à ton pays, j'ai découvert des choses qui visuellement m'ont vraiment marqué, que ce soit les masques Voilà. de perles des Bamileke, que ce soit les énormes vases sphériques là, que les femmes portent sur la tête. les cases obus, enfin, il y a beaucoup de. Je ne suis pas sûr de bien prononcer. Il y a énormément d'éléments qui sont exploités. Moi, je dis et je crois toujours que rien n'est fait et puis tout est à prendre, tout est exploité. Donc, Voilà. voilà. Mais disons que il y a une identité. Moi, ce que j'ai trouvé vu de l'extérieur, hein, c'est qu'il y avait vraiment une identité esthétique très marquée dans ton pays, quoi. Oui. Et donc ça, évidemment, Oui. c'est quelque chose que les gens auront envie de auront plaisir à retrouver, quoi, si c'est présent dans les illustrations, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis nous, on a toujours cette volonté-là de vouloir intégrer là, cette coloration culturelle camerounaise. Ouais, voilà. Oui, on veut l'insérer un peu partout. Donc, sachant que en jeu de rôle, on a une utilisation un peu spéciale hein, de l'illustration. Je vais sans doute être classique au classique dans mon approche, hein, mais on va dire, faut bien commencer quelque part, quoi. Il y a plusieurs éléments qui sont assez importants. En premier lieu, il y a la couverture. La couverture du livre. En fait. Il y a plusieurs approches. Hein. Il y a un peu l'approche abstraite avec on va dire un grand dessin qui représente juste un élément. Parce que je vais prendre un exemple. Il y a un jeu où on joue des loups-garous et en fait sur la couverture, essentiellement ce qu'on voit c'est une marque de griffe. Là c'est quelque chose d'abstrait. Donc on peut par exemple sur un jeu sur le Cameroun représenter, tu vois, juste un masque par exemple. Quelque chose de très graphique. Ça, c'est une approche qui est possible. L'autre approche, je dirais un peu plus fréquente et personnellement que je trouve plus inspirante, c'est une couverture qui présente une situation en fait. Une situation, quelque chose qui pourrait arriver en jeu. Avec du coup mis en valeur souvent trois ou quatre personnages en fait sur la couverture, trois ou quatre personnages qui sont pris en pleine action quoi. Quand je dis en pleine action, c'est par exemple s'il y a quelqu'un qui porte une lance, il va pas la porter tu sais que de façon statique comme s'il montait la garde, il va être les jambes arquées et puis prêt à lancer sa lance parce qu'on imagine qu'il y a peut-être Il y a peut-être quelque chose qui est visé hors champ, quoi. Le personnage est dans l'action, tu vois ce que je veux Oui. dire? Parce que comme ça, tu regardes la couverture et tout de suite, en fait, l'idée de ce type de couverture, c'est tu regardes la couverture et tout de suite, tu te dis, ah moi, j'ai envie de jouer la personne qui porte une lance, ou alors j'ai envie de jouer la personne qui a l'air de faire de la magie, la personne qui a l'air très sage, tu vois? Ça, c'est des couvertures qui sont très efficaces, très informatives, tu vois ce que je veux dire? Donc la couverture doit un peu donner l'idée du contenu. Ouais, voilà. On a un autre élément d'illustration qui est très important en jeu de rôle, c'est l'écran de jeu. En fait, il y a beaucoup de jeux de rôle où on va utiliser un paravent en carton. Donc c'est souvent un carton avec trois volets. Du coup, tu le mets sur ta table de jeu, ça permet de cacher les dés et le scénario du MJ. Et du coup, les écrans généralement sont également très graphiques. Et donc sur cette espèce de triptyque, tu vas pouvoir présenter une grande scène d'action, quoi. Donc, Oui. en général, ce qui se fait, c'est que sur le volet de gauche, tu vas avoir un paysage. Sur le volet du milieu, tu vas avoir une scène d'action du coup avec des protagonistes et éventuellement des antagonistes, tu vois, ou des adjuvants, quoi. C'est-à-dire que tu vas voir à la fois des personnages que peuvent incarner les joueurs et les joueuses et des personnages qui sont plutôt, tu vois, les rencontres, quoi. Par exemple, on a mis beaucoup un petit peu la confrontation de personnages humains, donc qui étaient joués par les joueurs et les joueuses, avec des créatures. Donc sur l'écran, c'est ce qu'on mettrait, tu vois, des personnages qui sont face à des créatures, quoi. Et généralement sur le troisième volet de droite, on va mettre à nouveau un paysage différent du premier, tu vois. Montrer un peu la variété. Bon, sachant que sur le volet du milieu, même si c'est pas ça qui est trop mis en avant, mais on peut quand même représenter, si on veut, un troisième paysage en arrière-plan, quoi. Avec souvent, du coup, on va avoir un petit peu les quatre éléments qui vont être présentés. L'eau, la terre, le feu, et puis à la fois des décors naturels et aussi des décors humains, quoi. Donc ça peut être intéressant sur ces paysages qu'on voit, par exemple, la jungle, mais qu'on voit aussi des cases, des constructions ou des véhicules, tu vois, qu'on a un peu le côté à la fois naturel et artificiel, qu'on voit à la fois des humains, des animaux. Enfin, c'est une grande scène, donc tu peux te permettre donner un très large aperçu de ce qu'on peut découvrir. Et donc, généralement, bien sûr, ces trois panneaux, en fait, ils sont reliés, ils forment qu'une seule et unique image, tu vois, donc il y a une sorte de scénographie aussi. Donc voilà, et puis après, le troisième type d'illustration, c'est les illustrations à l'intérieur du livre. Alors souvent, elles sont en noir et blanc pour économiser un petit peu sur les frais d'impression. Après, si on fait par exemple un document en PDF, ben, on peut se permettre de mettre plus de couleurs, quoi. Donc il y a un petit, on a un peu de tout. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des images en fait qui sont achetées sur des stocks. Ça permet de produire les jeux plus vite et à moindre frais. Enfin, surtout qu'en plus, on peut aussi utiliser des images libres de droit. Après, bah, je pense que tu n'auras pas forcément ce luxe. Parce que si tu fais un jeu de rôle sur le Cameroun, je sais pas quelle iconographie tu vas pouvoir trouver. Après, si, il y a sûrement des choses. Hein. Après, comme tu es artiste, je pense que tu dois sûrement connaître des gens et vous pouvez former. J'imagine que vous pouvez former une équipe pour fournir des illustrations intérieures. Mais en fait, on peut vite arriver à devoir produire. Une trentaine, voire une cinquantaine de petits dessins, quoi, hein. Ça va assez vite. Et donc les illustrations intérieures qu'on va avoir souvent, c'est personnages. Donc, du coup, savoir les personnages qu'on peut jouer, les personnages qu'on peut rencontrer, qu'ils soient humains, les humains, les animaux, les créatures qu'on peut rencontrer, tu vois. Donc ça va être, ça permet de visualiser un petit peu. Tu vas avoir tout ce qui est. Éventuellement, des fois, on va avoir dessiné tout ce qui est équipement. Donc, on a parlé des armes et tout, à quoi ressemble une lance, à quoi ressemble une machette. Parce que, par exemple, moi, j'ai vu, si tu veux, j'ai vu des photos de machettes du Cameroun et ça ressemblait pas du tout à ce que l'image que je me faisais d'une machette, quoi. Donc, ça peut être Voilà. intéressant de représenter, quoi. Ouais. Oui, l'iconographie, elle est immense. Elle est immense. Les formes également, elles sont inédites, j'ai envie de dire, du point de vue de la présentation aux autres. Bon, Ouais, parce et que du coup c'est j'arrive des au formes dernier que. type d'illustration qui, à mon avis, il y a vraiment beaucoup matière avec l'iconographie camerounaise à faire. C'est tout ce qui est les symboles. Voilà. Dans un manuel de jeu de rôle, on va utiliser les symboles pour deux choses, je dirais généralement. Trois choses. Généralement, on utilise les symboles pour représenter la magie. Imagine que tu aies plusieurs types de magie, je dis des choses totalement au hasard, la magie de l'eau, la magie du feu, bah, tu vas avoir un symbole de l'eau, tu vas avoir un symbole du feu pour les représenter, tu vois. On va utiliser aussi pour ce qu'on appelle les factions, les grands groupes. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent d'en mettre, mais mettons, je n'importe quoi. Si on fait une présentation des différents peuples, les Bamileke, les Peuls, les Bantous, les Bassa, ça peut être intéressant d'avoir un symbole pour chacun, tu vois. On peut retrouver aussi de la symbolique en jeu de rôle, souvent pour l'aspect des religions imaginaires. Genre, par exemple, chaque dieu imaginaire va avoir son symbole. Donc, dans un contexte camerounais, par exemple, peut-être pour l'aspect animiste, ça peut être intéressant d'avoir un symbole pour différents esprits, quoi. Ah, je parle sous ton contrôle, bien sûr. Et autre endroit Oui, où on va question, c'est beaucoup mon retrouver but. les symboles, c'est sur la feuille de personnage, quoi. Par exemple, tu aurais un symbole Ah, pour la force, un symbole pour l'éloquence, tu vois. oui. du coup, tu avais une question. Oh, oui. Ah oui, et je disais, à chaque personnage, on doit donner un nom. C'est ça. À chaque personnage, on devrait donner un nom. À chaque objet. En fait, on devrait nommer chaque chose et avoir un nom bien précis. Oui, oui. Peut-être la machette, comme on l'appelle ici. La machette, comme on l'appelle en Europe. Ici, ça s'appelle d'une autre certaine façon. Et puis, tu vois un peu, on adapte la chose à son contexte. Comme ça, ça pousse un peu l'utilisateur à réfléchir davantage et à apprendre. Alors c'est un petit peu presque hors sujet, mais je rebondis comme ça là. Quelque chose qui peut être important c'est même très important en général dans un jeu de rôle, c'est un peu le type de personnage qu'on peut jouer, quoi. Donc qui ont des fois des règles associées ou des créations de personnages associées, tu vois, un peu différentes. Et donc par conséquent, c'est relié un petit peu à ce qu'on avait évoqué avant, quelles sont les aventures qu'on peut vivre, quoi. Donc est-ce qu'on va avoir des personnages de conteurs, est-ce qu'on va avoir des personnages qui font plutôt la guerre, des personnages qui sont plutôt des sages, des personnages qui font de la sorcellerie, des personnages qui ont pour rôle d'explorer. Enfin, là je dis des choses un petit peu au hasard, quoi, mais ça c'est vraiment une chose à réfléchir, je crois. Bien, bah du coup, est-ce que tu veux qu'on parle petit peu des scénarios, ou est-ce que tu comment dire, ou est-ce que tu as d'autres questions avant, quoi? On aborde la question des scénarios avant de prendre la partie questions. D'accord, très bien. Alors les scénarios, tu vois, je pense que ça va beaucoup découler de tout ce qu'on a exploité avant, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, le rôle des scénarios, il va être justement d'exploiter toute la matière qui a été présentée avant. D'exploiter l'univers, d'exploiter les règles, d'exploiter les types de personnages. Parce que par exemple, en fait, je vais donner un exemple tout bête, mais si on a défini quatre types de personnages, il va y avoir le sage, le guerrier, le guerrier, la guerrière, hein, tu verras en fait... comment tu ouvres les catégories. Il va y avoir l'explorateur, parce qu'il pourrait y avoir le conteur, le guerrier, l'explorateur, le sage. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que le scénario il permette de mettre en valeur ces quatre types de personnages, tu vois. Donc ça veut dire que peut-être une scène liée au conte, peut-être une scène liée au guerrier, peut-être une scène liée à l'éloquence pour le sage, et puis une scène d'exploration, évidemment, pour l'explorateur, quoi. Ouais. Et puis bon, bah voilà, il y a tout un tas de règles. Si tu as mis des règles, par exemple, pour parler aux animaux, ben c'est quand même bien qu'il y ait des animaux dans le scénario avec qui il serait intéressant de parler, quoi, par exemple. Pareil pour les compétences, il y a des compétences sur les feuilles de personnages. Faut que les scénarios mettent à l'épreuve ces compétences, quoi. Ouais. T'as vu un petit peu en miniature dans les aventures de Koulou, le scénario qu'on avait écrit ensemble. T'as bien vu que du coup on avait d'abord créé les règles, les types de personnages. En fait, notre scénario il avait assez directement découlé de ça, quoi. Alors maintenant, alors j'en parle dans l'article sur le jeu de rôle traditionnel, c'est vraiment plus en détail, mais je crois qu'on peut distinguer deux types de scénarios principaux. Il y a le scénario de découverte. Généralement, c'est le premier scénario que tu vas faire jouer quand tu vas faire découvrir le jeu à quelqu'un, quoi. Donc il faut que ce soit un scénario très simple, avec un défi pas trop dur à relever, quoi. Faut qu'il y ait des défis, mais faut pas non plus que ce soit une difficulté extrême. Qui permettent d'avoir un premier aperçu de l'univers, un premier aperçu des règles, quoi. Donc, concrètement, je pense qu'il faut au moins trois types de scènes qui varient un petit peu les décors, les situations, les environnements, quoi. Mais par contre, on ne peut pas tout mettre dans un scénario d'initiation, donc il y a beaucoup de règles que tu ne mettras pas, tu vas utiliser juste le corpus de base des règles. Et pareil pour l'univers, bah, ce donnera juste un petit aperçu. Et souvent, le scénario d'initiation se termine par une invitation à poursuivre l'aventure, ce qui permet de boucler sur les scénarios suivants. Et donc, les scénarios suivants, je sais c'est le deuxième type de scénario. Là, tu peux te permettre des scénarios plus complexes, qui font intervenir plus de règles. Et l'idée, en fait, c'est que si tu as un univers vaste, mettons par exemple, on a décidé de traiter de tout le Cameroun, dans toute sa diversité, de paysages, de peuples et tout, eh bien, on va avoir une suite de scénarios et chaque scénario va exploiter, tu vois, un endroit différent, quoi. Scénario de jungle, un scénario de savane, un scénario de désert. Je te suis. Et du coup, ces scénarios, tu vas pouvoir les lier en fait dans une grande histoire globale qu'on appelle une campagne. Donc là, à nouveau, faut arbitrer entre deux choses. C'est est-ce que si tu fais des scénarios qui font une campagne, déjà combien t'en fais? Parce que ça va impliquer le temps que ça va prendre à jouer, quoi. Je pense que si on est généraliste, faut pas proposer une campagne trop longue parce que ça pourrait un petit peu rebuter les débutants. Mais par exemple, une campagne de 6 scénarios, tu vois, je pense que c'est déjà très très bien, ça donne déjà une très bonne idée. Qu'est-ce que je voulais dire sur la campagne? Un truc important, c'est de se demander si la campagne est vraiment avec une histoire qui est très très construite, ce qui fait il faut la jouer dans sa globalité, ou est-ce que c'est des situations que finalement, si on veut, on peut les jouer à part, quoi. Bon, moi, je suis plutôt de la deuxième école, mais c'est vrai qu'on peut quand même trouver intéressant d'avoir quelque chose qui fait vraiment une histoire comme un peu comme une série, tu vois, et que du coup, ça n'a pas de sens de jouer un seul épisode. Il faut vraiment tout jouer pour voir la progression, quoi. Oui. Et moi, maman, j'ai une question à propos des scénarios et des campagnes. Quelle est ta question? Oui, je voulais savoir. Là, tu disais que pour une campagne, ce serait bien d'avoir peut-être 6 scénarios, mais est-ce que dans un cas où on veut intégrer peut-être tout le Cameroun, on peut avoir une campagne complète qui se passe dans une ville précise. Le temps passe pendant que les gens ont consommé. On fait sortir une autre campagne qui se passe dans une autre zone bien précise. Tu vois un peu ce que du film appelle les saisons. Bien sûr, ouais. Ouais. En jeu de rôle, on appelle ça une gamme, du coup, avec quelque chose avec plusieurs livres, en fait. Voilà. Bien sûr que tu peux le faire. Après, bah, c'est juste que c'est ambitieux, quoi. Donc, ça dépend vraiment du temps, de l'énergie que tu souhaites consacrer à ce jeu. En termes de rédaction. Puis, en fait, ça va aussi beaucoup, tout simplement, beaucoup dépendre de la taille de ton équipe. Et du coup, si tu veux bien, j'aimerais qu'on en parle justement de ça, la notion d'équipe. Oui. Parce que du coup, voilà, un jeu de rôle classique, c'est quelque chose comme, c'est souvent au moins 200 pages. Enfin, après, il y a plein de jeux de rôle qui tiennent en une page, hein, je dis pas le. Mais bon, la façon dont on a présenté les choses, tu vois, là, on a présenté un jeu de rôle classique, c'est-à-dire quelque chose avec beaucoup de matériel, tout un univers, différents types de personnages, une liste des créatures, l'équipement, beaucoup de scénarios. Enfin, voilà, là, ça a très vite monté à 200 pages, quoi, voire beaucoup plus. Et du coup, alors bien sûr, c'est toujours faisable par une seule personne, hein, mais ça peut être intéressant de le faire en équipe, quoi. Il y a peut-être des personnes autour de toi que ça peut intéresser de rejoindre l'aventure. Et dans ces cas-là, il faut se demander comment on se répartit la tâche. Alors, tu as peut-être ta propre idée. Je voudrais juste te dire le conseil que j'aurais en fait pour éviter les incohérences, parce que ça, c'est quand on a un travail d'équipe dans les jeux de rôle, c'est souvent ce qu'on va trouver, c'est des incohérences. Je dirais qu'il faut généralement un peu cloisonner, c'est-à-dire par exemple une personne qui va écrire les règles, une personne qui va écrire, mettons, le bestiaire, tu vois, les différentes créatures. Une Oui. personne qui va écrire les scénarios, quoi. Alors, si par exemple tu pars sur plusieurs sur plusieurs saisons, bah, il peut y avoir éventuellement un auteur, une autrice par saison, quoi. On peut faire comme ça. Mais tu vois, un petit peu cloisonné, quoi. Parce que par exemple, si tout le monde écrit un peu de règles, tout le monde écrit un petit bout de chaque scénario, tout le monde écrit un petit bout du bestiaire. On peut arriver à un effet un peu indigeste, hein, des fois, et avec beaucoup d'incohérences. Après, je pense qu'après, il faut toujours une personne qui supervise. C'est-à-dire que, parce que sinon, il y a quelqu'un qui va écrire, par exemple, un scénario, et puis qui va pas bien utiliser les règles, tu vois. Qui va pas bien exploiter le bestiaire. Bah, c'est-à-dire qu'il va pas utiliser les créatures qui sont dans le bestiaire, tu vois. Ou quelqu'un va écrire, je sais pas quoi, des fois dans les jeux de rôle aussi, on a des nouvelles, des petites histoires, tu vois. Eh bien, il va pas forcément. Les histoires ne vont pas être cohérentes avec l'univers, tu vois. Donc, généralement, c'est bien d'avoir une personne qui supervise le projet dans son ensemble et qui puisse dire à chaque contributeur, contributrice. Oui, mais en fait, là, ce serait bien que tu rajoutes une créature du bestiaire parce que vraiment ça manque. Là, tu n'as pas bien compris la règle, voilà comment c'est. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Ouais, comment tu verrais, toi, la notion de travail d'équipe dans un projet comme ça? Oui, la notion de travail d'équipe, elle est bonne. Elle est bonne parce que là, ça permet de, comme on dit parfois, décloisonner. Ça permet de décloisonner et oui, il y a l'illustrateur qui fait son boulot là-bas pendant que ça permet aussi d'aller plus rapidement quand même. Ça permet d'aller plus rapidement, oui, ça permet d'aller plus rapidement, d'avoir des visions différentes. Parce que l'illustrateur peut avoir, une fois que le scénario est terminé, il peut quand même donner son point de vue sur le scénario, tu vois. Et du coup, ça permet en quelque sorte d'avoir déjà des gens qui donnent leur avis avant que la chose ne soit, comme, avant que le prototype n'arrive, tu vois un peu. Par contre, quand tu es seul, tu es enfermé dans ton univers et puis toi seul, tu es Dieu. Donc, tu as du mal à... Oui, c'est un peu compliqué quand on est seul. Même si c'est faisable, comme tu l'as dit, mais ça ralentit quand même la chose. Je voulais aborder un dernier aspect qui vient, puis après on fera les questions générales si tu veux bien. C'est un aspect qui me paraît important. C'est comment faire un jeu de rôle didactique, c'est-à-dire qu'il soit facile à comprendre et à retenir. D'accord. Alors, il n'y a pas de recette miracle. C'est entre nous, en francophonie, on en discute souvent de comment il faut faire. Je vais te dire la petite recette qu'en ce moment j'applique, qui est la suivante. En fait, tu vas souvent découper un petit peu ton jeu par chapitre, quoi. Et en fait, le début d'un chapitre, c'est un petit résumé, tu vois. Un paragraphe ou deux qui explique de quoi va parler le chapitre. Ça permet, comme ça, tu fais déjà une lecture rapide de ce résumé. Une bonne idée de ce qu'il va y avoir dans le chapitre, voire même tu pourrais très bien jouer sans lire le chapitre. Donc il y a ça. Ensuite, à l'intérieur de ton chapitre, bah, tu vas évidemment découper en paragraphes. Donc une idée, un paragraphe. Et une idée. Pour chaque idée, moi j'aime bien mettre un exemple de jeu, tu vois. Donc par exemple, si je fais un paragraphe sur l'importance de l'éloquence, faut que je mette un exemple de jeu où un personnage fait un duel d'éloquence avec un autre, sur quoi porte le duel d'éloquence et comment quelles règles on utilise pour le résoudre, tu vois. Et généralement, ce que je fais à la fin du chapitre, c'est je remets, alors là du coup ça tient en une ligne, c'est les trois grandes idées du chapitre. Les trois mots-clés, enfin, ouais, c'est ça, enfin, pas une ligne, ça fait trois lignes, quoi. Les trois grandes idées du chapitre, ce qu'il faut retenir du chapitre. Donc, par exemple, je vais essayer de prendre l'exemple des aventures de Kouloo, du coup, qu'on avait rédigé ensemble. À la fin des aventures de Kouloo, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait écrire que la tortue, elle veut devenir chef du village. Et pour ça, elle va utiliser les personnages. Le village manque d'eau et le chef a demandé au personnage du coup de trouver la clé du savoir cachée dans des ruines. Comment? Eh bien, un troisième protagoniste qui était le serpent va aussi convoiter la clé du savoir. Voilà, là on a un peu résumé. Scénario en trois lignes, les trois grandes idées. Deux autres choses qui sont importantes, je pense, pour faciliter la compréhension. Après, il faut faire un choix parce que tout ça rajoute du texte, hein, et de la place, hein. Les schémas, généralement, les schémas, c'est très apprécié. Comme tu es professeur, hein, je pense que ça doit un peu te parler. Et puis. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est un exemple de partie rédigée en entier, tu vois. Par exemple, on pourrait faire, tu vois, rejouer les aventures de Kouloo en écrivant, en fait, ce que tout le monde dit, quand est-ce qu'on fait des GD, ainsi de suite. C'est quelque chose qui va prendre 5 pages, tu vois. Et généralement, les choses deviennent très très claires quand on a un exemple de partie en entier à lire, quoi. Alors, il y en a qui utilisent des nouvelles, c'est-à-dire des petites histoires un peu littéraires, quoi. Moi, je n'ai qu'un conseil sur les nouvelles, c'est que si on écrit une nouvelle, il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse faire avec le jeu, quoi. Donc, en fait, il faut que ce soit une partie déguisée, quoi. Parce que l'écueil qu'il peut y avoir dans certains jeux de rôle, c'est que tu as des nouvelles littéraires, qu'elles soient bien écrites, mal écrites, c'est pas le problème. Mais en fait, l'histoire en elle-même, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver en jouant, quoi. Soit parce que les personnages qui sont de l'histoire ne sont pas les personnages qu'on peut jouer, soit parce que le type d'aventure, c'est pas le type d'aventure qu'on peut jouer, ou soit par exemple, des fois c'est parce que les protagonistes de l'histoire sont bien plus puissants que les personnages ne le seraient. Enfin, voilà, donc vraiment, le mieux en fait quand on veut écrire une nouvelle, c'est qu'il faut d'abord sortir des faits de personnages, des dés, et puis faire une partie de jeu de rôle, et la nouvelle elle raconte en fait la partie de façon, tu vois, un peu plus jolie, quoi. Sachant que le dernier, on en reparlera peut-être lors de nos prochains rendez-vous, le dernier soutien didactique qui est vraiment très intéressant, c'est d'enregistrer une partie. Tu la joues et soit tu fais une vidéo, tu sais, avec les webcams de tout le monde, ou soit tu enregistres la partie, un peu comme on enregistre notre émission actuellement, quoi. Ça, généralement, c'est vraiment appréciable pour comprendre comment fonctionne le jeu. Un peu comme j'avais vu ça une fois sur YouTube, le role and play. Tout à fait. Du coup, pour conclure cette émission, qui fait déjà un peu plus d'une heure, eh ben on va finir avec les questions. Est-ce que tu as des questions, des remarques, Gérard? Oh, les remarques, c'était bien là. On a passé du bon temps dans le domaine, était vraiment très didactique. Et puis ça, je crois que ça m'a ouvert beaucoup d'idées là. Rester juste à les appliquer maintenant. Alors, une question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on peut adopter le jeu de rôle sur les jeux de plateau? Ça, c'est une question. Oui, on peut. Alors, si tu veux, en jeu de rôle un peu classique, il y a des éléments de jeu de plateau qui sont utilisés régulièrement, tels que on va appeler ça des champs de bataille, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas avoir un décor quadrillé et tu vas utiliser des petites figurines. Alors ça peut être des figurines en bois ou des jetons, tu vois, hein, pour localiser comme ça tes personnages dans un décor, quoi. S'ils doivent explorer une zone ou s'il doit y avoir un combat, ça c'est souvent utilisé. On peut aussi utiliser des jeux de plateau pour marquer la progression de quelque chose, quoi. Par exemple, mettons, si on reprend l'espèce d'univers qu'on avait imaginé tous les deux, hein, on pourrait mettre un plateau pour montrer la progression de la forêt, des créatures diverses et tout. On pourrait par exemple avoir la carte dynamique d'une région avec, tu vois, différents villages et avec des pions qui s'accumulent pour représenter la progression des créatures, la progression de la forêt, les villages à découvrir, les villages abandonnés, peut-être les ressources, où est-ce qu'on peut trouver du cristal, tout ça. Donc on peut... Alors, je pars dans des choses qui sont pas forcément très fréquentes en jeu de rôle, mais c'est vrai que je sais que toi tu aimes bien le jeu de société, et c'est des choses qui sont tout à fait possibles, quoi. Ouais. Personnellement, moi j'ai développé un jeu d'échecs qui se passe, qui est en même temps un jeu de rôle, quoi. Donc tu utilises un jeu d'échecs classique. Et en fait, quand les pièces changent de case, il y a des cartes exploration à tirer avec des événements. Il y a diverses choses comme ça, quoi. Et du coup, les pions représentent les arbres de la forêt, quoi. Donc ça fait un petit peu un décor, quoi. Donc par exemple, un jeu d'échecs, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à utiliser. Parce que déjà c'est facile à se procurer. Enfin, je suppose que même chez vous, vous avez quand même un petit peu de jeu d'échecs. Oui. Sachant que c'est une tradition qui est très ancienne, le jeu d'échecs, et il me semble que je me demande si ça vient pas. Non, ça vient de Chine au départ, mais c'était implanté en Afrique très tôt, quoi. Hein, je crois. Et voilà, donc tu peux, et du coup aussi, pourquoi pas utiliser des, enfin on avait déjà évoqué tout à l'heure, mais des jeux traditionnels camerounais, et s'en servir de matériel pour figurer des situations de ton jeu de rôle, quoi. Par exemple, on avait parlé de l'Awale, hein, je crois que c'est un jeu qui est quand même assez pratiqué chez vous. Comment est-ce que le jeu se pratique ici chez nous? Non, ici, comme je te disais, il y a, je vais aller par le graduel, il y a ce qu'on connaît le plus, c'est le ludo. Hein. Le jeu de société, comme vous voyez, le ludo, les petits chevaux, en fait, c'est ça. C'est le plus classique qu'on connaisse ici. Après, il y a quelques jeux traditionnels comme la Wale et d'autres jeux qui sont en train de disparaître dans les villages. Mais du point de vue moderne, hein, ici, quand tu vas parler de jeux de société aux gens, on te dira les jeux de dames, les jeux d'échecs, le Scrabble, un peu de Monopoly. Oui. Et bon. Je dirais que concrètement, si tu fais un jeu généraliste, le public non camerounais, tu vois, il sera particulièrement intéressé si tu mets en œuvre des jeux traditionnels. Donc je parle pas de jeux classiques comme les petits chevaux et tout, mais par exemple si ta mécanique de jeu utilise la Wale, et de façon ça peut intéresser des gens, tu vois. Après, bon, y a beaucoup de ménages chez nous en Europe, hein, qui n'ont pas de jeu de la Wale chez eux, hein, sais que c'est quelque chose qu'on peut facilement reconstituer avec un petit plateau à imprimer et puis des petits pions, quoi. Donc, c'est pas un souci. Tu peux même, si tu veux, dessiner un plateau d'Awale stylisé, tu vois. qui pourrait être imprimé. Pareil, pour remplacer je crois que c'est des fèves hein, qu'on utilise dans la voilée. Non, c'est pas des noyaux Ouais, voilà. des fruits noirs là. Ouais, du coup, ah oui, excuse-moi, pour figurer ces noyaux, tu peux pourquoi pas créer des petits pions stylisés, tu vois, pareil, qui pourraient être imprimés et tout. Et donc, les gens, comme ça, ils pourraient reconstituer leur awale imprimé, quoi, en fait. Et qui auraient en plus, auquel tu pourrais donner l'identité visuelle de ton jeu en plus, quoi. Après, bon, il faut pas que ce soit gratuit, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver. Une règle de jeu, tu vois, qui relie la wallet à des situations du jeu et tout. Donc ça, c'est à réfléchir, ça se fait pas en 2 secondes, quoi. Faut trouver une idée, quoi. Pour un petit peu faire la connexion pour que ça soit pas gratuit, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Après, parlant toujours du jeu, pour la suite, c'est nous les précurseurs, hein, c'est nous qui proposons des choses aux gens, et puis les gens découvrent davantage, qu'il y a des trucs, des choses, il y a plein de choses qui se passent ailleurs et qui ne se passent pas chez nous. Donc, du coup, C'est c'est ça. nous qui sommes à la tête, hein, tu vois. Donc, les autres vont juste suivre le travail que peut-être nous avons commencé. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que bah, malheureusement, j'ai un peu, hein, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai présenté en fait des façons de faire, on va dire, à l'occidental. Mais en vrai, ce qui va se passer, et quelque part ce que j'appelle de mes voeux, c'est que vous allez trouver des façons de faire à vous. Voilà. Qui vous seront spécifiques et en fait ce sera d'autant plus intéressant parce que vous n'avez pas la même façon d'aborder le concept, d'aborder l'histoire, d'aborder le jeu et donc du coup au final vous ferez quelque chose qui vous ressemble et qui ressemblera pas forcément au jeu classique à l'occidental quoi et je pense que ce sera pour le mieux en fait. Et puis, bon, curieusement, j'étais à l'université là il y a 2 jours et j'étais en train de bavarder et puis je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à côtoyer la question du jeu de rôle. Et j'ai vu un jeune qui faisait aussi allusion à ça. Donc, si on fouille bien, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, et donc, du coup, on va tout faire pour agrandir la communauté. Eh bien, je crois qu'il nous reste plus qu'à à vous remercier pour votre écoute. Je te remercie, Gérard, pour cette discussion qui nous a bien fait progresser. Et donc, j'espère, voilà, que ça va intéresser du monde, que vous vous intéressez à la question du jeu de rôle au Cameroun ou à la question plus large de créer un jeu de rôle, quoi, quel que soit votre pays. Eh bien, Bien on n'a plus qu'à sûr se dire. qu'on est ouvert aux collaborations, à ceux qui loin d'ici pensent qu'ils puissent collaborer dans un projet pareil. Et pourquoi pas, on est ouvert. Tout à fait, ouais. Donc, ouais, ça c'est important de le souligner. Bah, de toute façon, tu étais en contact avec Dragan de la FFJDR, quoi, dans le cadre d'échanges, quoi. Et donc, pourquoi pas par le biais de la Fédération française de jeux de rôle ou par mon intermédiaire. Enfin, effectivement, si vous êtes un francophone et que vous avez envie de collaborer avec Gérard pour la création d'un jeu de rôle. Parce que moi, malheureusement, je vais pas être disponible pour le faire sur le long terme. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit la FFJDR, soit moi-même. Et puis, je vous mettrai en relation avec Gérard, quoi. Et du coup, il me reste plus qu'à te remercier, du coup, pour ton ouverture d'esprit, pour tout ça, quoi, pour ton enthousiasme qui fait vraiment plaisir et bon, de toute façon, on va bien voir ce que ça va donner, mais déjà, ce que ça a donné beaucoup de choses intéressantes, quoi. D'accord. Ok. Merci. Merci à toi également. Et je vais passer un coucou à Dragan. Et donc, on est ensemble tout le temps. Très bien.